Quelques-uns de poèmes par Émile Verhaeren, enregistrés pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Quelques-uns. Plus loin que les soleils, une ville d'ébène se dresse et mire énormément en leur cerveau, son deuil et sa grandeur de morte ou de caveau. La terre, elle a passé. Le ciel se voit à peine, et de l'ombre toujours, immensément, toujours. Un horizon d'ivoire y traîne des suaires, sur des monts soulevés en tertres mortuaires, qui n'ont plus souvenir de ce qui fut les jours. Et des passants muets marchent dans les soirs blêmes, hommes pleins de douleur, vieux de tristesse, seuls. Ils ont plié leurs ans ainsi que des linceuls. Ils sont les revenus de tout, même d'eux-mêmes. Les vices leur sont noirs, mais aussi les vertus. Leurs cœurs saignés à blanc et leurs ardeurs matées. Ils travaillent à vivre indulgemment athées. Leurs yeux, qui se parlaient encore, ils les ont tus. Et maintenant, plus rien en eux jamais ne bouge. Ni les désirs, ni les regrets, ni les effrois. Ils n'ont plus même, hélas, le grand rêve des croix, ni le dernier espoir tendu vers la mort rouge. 1887. Fin de Quelques-uns.